بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس السادس عشر on commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans cette série pour l'explication de l'épître du livre Usul al-Iman de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. L'auteur, il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde an al-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha arada Allah an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadati as-samawati minhu rajfatun أو أخذت السماوات منه رجفة أو قالت رعدة شديدة خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit son nom Nawas ibn Sam'an, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala veut faire révélation de l'ordre, alors il parle par la révélation. Et c'est alors que les cieux sont touchés par un fort tremblement, une forte secousse par crainte d'Allah. Et lorsque les gens, les habitants des cieux, entendent cela, alors ils s'effondrent prosternés pour Allah. Et le premier qui lève sa tête est Jibra'il. Et alors Allah Ta'ala, il lui parle par la révélation de ce qu'il veut. Thumma yamuru Jibra'il. Et ensuite Jibra'il, il passe, ensuite Jibra'il, et donc, il passe auprès des anges. À chaque fois qu'il passe par un ciel, les habitants, donc les anges de ce ciel, l'interrogent. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit, ô Jibra'il? Alors il dit, il a dit la vérité et il est certes Al-Aliyul Kabir. Il a dit la vérité et il est certes le Très-Haut, le Grand. Alors ils disent tous, comme Jibra'il a dit, et Jibra'il, il achève avec donc la propagation de la révélation jusqu'à, ou alors Jibril parvient avec la révélation jusqu'à l'endroit où Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à où Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné. Rapporté par Ibn Jarir, ainsi que Ibn Khuzayma et At-Tabarani, ainsi que Ibn Abi Hatim, et les termes qui ont été utilisés sont les termes cités par Ibn Abi Hatim. Wa fi hadha al-hadith mithlu ma ra'ayna fi al-usbu' al-madi. Il y a dans ce hadith la même chose qu'on a vu lors de la semaine précédente. Ay at-ta'zim li kalamillah 'azza wa jall, c'est-à-dire la révérence concernant la parole d'Allah Azza wa Jal. فالسماء ترتجف والملائكة تخر سجدا من كلام الله تعالى. Et donc le ciel tremble et les anges s'effondrent prosternés pour la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et aussi par crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وكذلك في الحديث وكذلك في الحديث فضل جبرائيل فضل جبريل على سائر الملائكة فإنه الموكل بتبليغ الوحي إلى الرسل. Il y a aussi dans ce hadith le mérite de Jibril. Le mérite de Jibril, car c'est lui qui est responsable de transmettre la révélation aux messagers. Et ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, « Babu wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama wa samawatu matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. » L'auteur qui nous cite un nouveau chapitre, le chapitre concernant la parole d'Allah Ta'ala, « Wa ma qadarullaha haqqa qadrih » Ils n'ont pas apprécié Allah, ils n'apprécient pas Allah comme il doit être apprécié, ils n'apprécient pas Allah comme il mérite. Et « Wa l'ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah » Et la terre entière, il en fera une poignée au jour de la résurrection. Et le ciel sera plié dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à lui, et il est au-dessus de ce qu'ils associent. هذا ايضا في هذا ايضا نرى ان الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يبوب بابا لذكر ايات من كتاب الله. Et il y a aussi dans ce chapitre, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, il va nommer un chapitre par la citation d'un verset d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dhakara al-mu'allif fi hadha al-bab ahadith tufassir hadhihi al-aya. Et l'auteur dans ce chapitre, il cite des ahadith. Il cite des récits prophétiques qui vont expliquer ce verset qui est cité ici. Wa antum taraun hadhihi al-aya fi sadriha qawluhu ta'ala wa ma qadarullah haqqo qadrihi. Et donc vous voyez donc au début de ce verset qui est cité, il y a la parole d'Allah wa ma qadarullah haqqo qadrihi. Ils n'ont pas apprécié Allah, ils n'apprécient pas Allah comme il le mérite. وهذا القول ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع من كتابه. Et cette parole, Allah Ta'ala, il l'a citée dans trois passages de son livre. يبين الله تعالى فيها كون المشركين. يبين الله تعالى فيها كون المشركين ما قدره حق قدره وما عظموه حق تعظيمه. Allah Ta'ala, dans cette parole, il montre le fait que les polythéistes, ils ne l'ont pas apprécié comme il se doit. Ils ne l'ont pas glorifié comme il mérite. Allah Ta'ala, il dit donc dans le premier passage, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ. Ils n'ont pas apprécié Allah comme il se doit lorsqu'ils ont dit que Allah n'a fait descendre quoi que ce soit sur aucun être humain, sur aucun homme, aucune révélation. Dis, qui est celui qui a fait descendre le livre sur Moussa, en toute lumière et guidé pour les hommes? فرد الله تعالى في هذه الآية على اليهود الذين قالوا إن الله لم ينزل شيئا على بشر. Et donc Allah dans ce verset, il réplique aux Juifs, ceux qui ont menti, ceux qui disent que Allah Ta'ala n'a rien fait descendre sur qui que ce soit. فَأَلْزَمَهُمُ اللَّهُ بِمَا يُكِرُّونَ بِهِ فَإِنَّهُمْ يُكِرُّونَ بِرِسَلَةِ مُوسَى. Et donc Allah Ta'ala, il leur impose d'appliquer ce qu'ils affirment déjà. Car les Juifs, ils affirment donc le fait que Moussa, Allah tabaraka wa ta'ala, a fait descendre sur lui un livre. Et c'est pour ça que Allah il dit Kul man anzala al-kitab alladhi ja'a bihi Moussa nuran wa hudan lin-nas. Dit qui a fait descendre le livre avec lequel Moussa est venu en toute lumière et guidé pour les gens, pour les hommes. Fa ha'ula ma qadarullah haqqa qadrihi. لكونهم أنكروا الرسالة مطلقا كأن الله ترك البشرية ولم يبين لهم ما يحتاجون وهذا لا يليق بالله. Et donc ces gens-là, les juifs, ils n'ont pas apprécié Allah comme il se doit, comme il le mérite, tabaraka wa ta'ala. Et cela car ces juifs, ils ont rejeté la prophétie. Ils ont rejeté le fait que Allah ta'ala a envoyé des messagers aux hommes. Comme si Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas expliqué aux hommes, il les a délaissés et n'a pas expliqué aux êtres humains ce dont ils ont besoin. Et ceci ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil mawdi'i thani, et dans le deuxième passage, Allah ta'ala cite cette parole et dit: Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Ô homme, une parabole vous est montrée. Alors écoutez-la. Inna alladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah. Certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent créer une mouche, même s'ils se réunissent tous pour cela. Wa iyaslubhumu dhubabu shay'an la yastanfidhun. La yastanfidhuhu minhu. Da'ufat talib wal matlub. Et si cette mouche leur prend quoi que ce soit, alors ils ne peuvent la récupérer. Ils ne peuvent la récupérer. Le demandeur et celui qui est demandé sont certes très faibles. Ma qadarullah haqqa qadri. Inna Allah la kawiyun aziz. Ils n'ont pas apprécié Allah comme il se doit. Certes Allah est puissant. Certes Allah est puissant et fort. فهاتان الآيتين هاتان الآيتان يبين الله تعالى فيهما ضعف الآلهة التي اتخذها المشركون وأن هذا فيه عدم تقدير الله حق قدره لأنه هو القوي العزيز. Et donc dans ces deux versets il y a le fait que Allah Ta'ala il montre la faiblesse des divinités, des fausses divinités qu'ont prises les polythéistes, que les polythéistes ont pris pour adorer. Et Allah Ta'ala, il montre qu'il y a en cela, lorsque les polythéistes vont prendre d'autres divinités, il y a en cela le fait de ne pas apprécier Allah comme il le mérite. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui le puissant, le fort. C'est lui le seul qui mériterait être adoré. C'est lui le seul à mériter d'être adoré tabaraka wa ta'ala. Wa fil mawdi'i thalith, dans le troisième passage, lorsque Allah Ta'ala il cite cette parole, Allah Ta'ala il dit: Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta layahbatanna 'amaluka wa litakunanna min al-khasirin. Balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et certes, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux d'avant toi, que si tu accordes quelconque associé, tes œuvres deviendront caduques et tu feras partie des perdants. Mais c'est Allah seul que tu dois adorer et fais partie de ceux qui remercient. Ils n'ont pas apprécié Allah comme il le mérite. Et la terre tout entière, il en fera une poignée au jour de la résurrection. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui les associent. Fi hadhihi al-ayah aidan. أن المشركين ما قدروا الله حق قدره ما قدروه كما ينبغي. Et donc il y a aussi dans ce verset le fait que les polythéistes n'ont pas apprécié Allah comme il convient. فإنه هو العزيز, car c'est lui le fort. comme on a vu précédemment, الذي لا يغلبه شيء, celui dont rien n'a le dessus sur lui. فكيف يعبد غيره وهو الذي لا يغلبه شيء. Et donc comment est-ce que autre que Allah Ta'ala puisse être adoré alors que Allah c'est celui dont rien n'a le dessus sur lui. وفي هذا رد وتخويف على المتكبرين. Et il y a en cela une réplique et le fait de mettre en garde à toute personne qui a en lui de l'orgueil. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذها بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون ثم يقول أنا الملك أين المتكبرون فيكرر فلا يجيبه أحد كما جاء في المستدرك. Il a été cité dans Sahih Muslim, selon le hadith d'Ibn Umar, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala va plier les cieux. Allah Ta'ala va plier les cieux. Puis, et donc il les prendra dans sa main droite. Et il dira à Allah tabaraka wa ta'ala, je suis le roi, je suis le maître. Où sont les tyrans? Et dira tabaraka wa ta'ala, je suis le roi, je suis le maître. Où sont les orgueilleux? Et Allah tabaraka wa ta'ala va répéter cela plusieurs fois. Mais personne ne répondra comme cela est cité dans la narration, dans le livre Al-Mustadrak, Al-Sahihayn. فَيُجِيبُهُ Alors Allah tabaraka wa ta'ala à ce moment, il répondra lui. Il répondra en disant لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ à Allah le seul, l'unique, الْقَهَارِ celui qui a le dessus sur tous. Celui qui a le dessus sur tous. فَلَا يَنْبَغِ لِلْعَبْدِ الضَّعِيفِ أَنْ يَتَكَبَّرِ Et donc il ne convient pas au serviteur faible de s'en prendre d'orgueil et de se croire au-dessus des autres. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى سَيُظْهِرُ ضَعْفَ الْإِنسَانِ وَعَجْزَهُ Car Allah Ta'ala, au jour de la résurrection, il montrera, il mettra en évidence la faiblesse de l'être humain et son incapacité. Et donc il convient à tous, ô mes frères, de nous remettre en question par rapport à cela. Tous ceux qui ont de l'orgueil en eux et qui se croient au-dessus des autres, qui se croient mieux que les autres, nous devons nous remettre en cause ceux qui sèment le désordre sur terre et terrorisent les autres et qui font les tyrans. Ils doivent savoir, se rappeler qu'au jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala demandera « Aïn al-jabbaroun » Où sont les tyrans? On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah azza wa jal de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.